The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Beer. La binouze. To deal. Distribuer les cartes. To fold. Se coucher. To be angry. Tirer la tronche. To act as if. Faire comme si. Crap. Pourri. To get fleeced. Se faire plumer. Three of a kind. Le brûlant. Wink of an eye. Le clin d'œil. To win the prize. Remporter la mise. Saying. Le dicton. Now, a bit faster. Saying. Le dicton. To win the prize. Remporter la mise. To act as if. Faire comme si. Three of a kind. Le brûlant. To fold. Se coucher. To deal. Distribuer les cartes. To fold. Se coucher. To deal. Distribuer les cartes. To get fleeced. Se faire plumer. Beer. La binouze. To get fleeced. Se faire plumer. To deal. Distribuer les cartes. Wink of an eye. Le clin d'œil. To act as if. Faire comme si. To get fleeced. Se faire plumer. To act as if. Faire comme si. To deal. Distribuer les cartes. Saying. Le dicton. To act as if. Faire comme si. Three of a kind. Le brûlant. To be angry. Tirer la tronche. Three of a kind. Le brûlant. Wink of an eye. Le clin d'œil. Now, use the words in context. Faire comme si. Be careful. The security guard is coming. Try to act natural. Attention, la sécurité arrive. Faisons comme si de rien n'était. Pourri. If I had known that this movie was so crappy, I wouldn't have paid 8 euros to watch it. Si j'avais su que ce film était aussi pourri, je n'aurais pas payé 8 euros pour aller le voir. Se faire plumer. He's addicted to games of chance. That's how he got swindled. Il est accro aux jeux de hasard. C'est comme ça qu'il s'est fait plumer. Le clin d'œil. This girl kept winking at me. I thought she was flirting with me, but actually she had a tic. Cette fille n'arrêtait pas de me faire des clins d'œil. Je croyais qu'elle me draguait, mais en fait, elle avait un tic. Remporter la mise. I bought all the tickets for the lottery. This way I'm sure to win the prize. J'ai acheté tous les billets de la loterie. Comme ça, je suis sûr de remporter la mise. Faire comme si. Be careful. The security guard is coming. Try to act natural. Attention, la sécurité arrive. Faisons comme si de rien n'était. Pourri. If I had known that this movie was so crappy, I wouldn't have paid 8 euros to watch it. Si j'avais su que ce film était aussi pourri, je n'aurais pas payé 8 euros pour aller le voir. Remporter la mise. I bought all the tickets for the lottery. This way I'm sure to win the prize. J'ai acheté tous les billets de la loterie. Comme ça, je suis sûr de remporter la mise.